إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Donc nous sommes toujours dans l'explication du livre intitulé Le dogme ou la croyance de l'imam revivificateur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, يعني عقيدة الإمام المجدد Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec l'explication de Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullahu ta'ala. Et donc nous avions dit que Sheikh Rahimahullah nous a dit, yani dans cette risala, et il dit: Ushhidullah wa man hadarani min al malaika wa ushhidukum anni a'taqidu ma a'taqadathu al firqatu najiyah wa ahlu sunnati wal jama'a. Donc il dit: j'atteste et je fais attester, ou j'atteste devant ceux qui sont présents parmi les anges, et j'atteste devant Allah tabaraka wa ta'ala, et je vous prends à témoin, et j'atteste devant vous, que ma croyance est la croyance du groupe sauvé, et des gens de la sunna et de l'jama'a, du consensus. Et ensuite, il nous dit: min al-iman billahi وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. Ensuite il nous dit que, eh bien, il croit en Allah tabaraka wa ta'ala, il croit en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en la résurrection après la mort, et il croit également au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وهذه أصول الإيمان وأركانه. Et ce qu'il vient de citer, eh bien, ce sont les fondements de la foi, ainsi que ses piliers. يُؤْمِنُ بِهَا الشَّيْخ. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, croit en ses fondements et ses piliers. وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Et donc ces fondements, ces piliers de la foi, eh bien, ce sont la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, la croyance en ses messagers, la croyance au jour dernier, et la croyance également au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Kama fi hadith Jibril, lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi hadarati ashabihi radiyallahu anhum, faqala akhbirni 'anil iman, faqala al-iman, يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc ces fondements de la foi sont rapportés dans le hadith de Jibril, quand il est venu questionner le prophète صلى الله عليه وسلم en présence des compagnons رضي الله عنهم, et il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم: informe-moi de la foi, informe-moi sur l'iman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la foi ou l'iman, eh bien, c'est que tu crois en Allah tabaraka wa ta'ala, que tu crois en ses anges, que tu crois en ses livres, que tu crois en ses messagers, que tu crois au jour dernier et que tu crois également au destin, qu'il soit bon ou mauvais. وقال العلماء هذه أركان الإيمان. Et les savants ont dit, ces six choses-là, eh bien, ce sont les piliers de la foi. Ce sont les piliers de la foi. والإيمان له أركان وله شعب. Et la foi, donc, on a vu qu'elle a des piliers et elle a également des branches. فأركانه ستة. Donc, les piliers de la foi sont au nombre de six, comme expliqué dans le hadith de Jibril. عليه السلام وشعبه بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et quant aux branches de la foi, elles sont nombreuses. Et comme on avait dit la dernière fois, elles sont au nombre, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'elles sont soit entre 73 et 79 ou entre 63 et 69, puisque le mot bid' en arabe, eh bien, veut dire soit entre 3, soit entre 9, et on avait expliqué, eh bien, le verset où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la période où Yusuf alayhi salam était resté en prison. Il a dit, فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضَّعَ سِنِينَ. Il est resté en prison une période donnée entre 3 et 9 ans, comme a dit le Mufassirun. Al-Muhim, il dit que, eh bien, le plus haut degré de la foi est la parole, yani la ilaha illallah, d'appliquer la ilaha illallah, yani l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et la plus basse branche, ou le plus bas degré de la foi, eh bien, c'est d'enlever les choses encombrantes du chemin. فَالْإِمَانَ نَهُ شُعَبٌ كَثِيرًا. أما أركانه أي جوانبه التي يقوم عليها فهي ستة أركان. Donc on a dit que les branches de la foi sont nombreuses, mais les piliers sur lesquels repose la foi, repose l'iman, ils sont au nombre de six, qui est la foi en Allah tabaraka wa ta'ala, la foi en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. الركن الأول الإيمان بالله. Le premier des piliers de la foi, de l'iman, c'est la foi en Allah تبارك وتعالى. C'est de croire en Allah سبحانه وتعالى وهو الأساس. Et ce pilier, c'est le plus grand des piliers, c'est le plus grand des fondements, c'est la base. La foi en Allah سبحانه وتعالى. والإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. Et le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala regroupe, eh bien, les trois catégories de tawhid, qui sont tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-asma wa al-sifat. C'est-à-dire, al-tawhid de l'unicité, tawhid de la seigneurie, et tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruknu thani, le deuxième des piliers de la foi, huwa al-iman بالملائكة. الإيمان بالملائكة يعني لا فوا إلى كرويانس aux anges. أنهم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون أو يأتمرون. Et donc ces anges, les anges, ce sont des serviteurs d'Allah سبحانه وتعالى parmi les nombreux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ces serviteurs-là, et ces anges, eh bien, ils ne devancent pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Wa khalaqahum Allah Azza wa Jal min nur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges de lumière. A créé les anges de lumière. Comme ceci est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où est-ce qu'il dit, eh bien, les djinns ont été créés de fumée, et les anges ont été créés de lumière, et les êtres humains ont été créés de ce qu'il vous a été décrit, yani dans le Coran, min tin. d'argile, de terre. وهم الملائكة من عالم الغيب الذين لا نراهم. Et les anges font partie du monde de l'invisible qu'on ne voit pas. Mais malgré cela, نؤمن بوجودهم ولكن نؤمن بهم. Mais malgré cela, malgré qu'on ne les voit pas et qu'ils font partie du monde de l'invisible, eh bien nous croyons en leur existence. وقد جعلهم الله تبارك وتعالى أصنافا كل صنف من الملائكة له عمل يقوم به في هذا الكون. Et les anges, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ils sont de plusieurs catégories. Ils sont de plusieurs catégories. Et chaque ange et chaque catégorie d'ange, eh bien, ont un rôle bien spécifique et bien précis dans cet univers qu'ils accomplissent selon l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمنهم الحفظة الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها. Parmi, eh bien, les catégories d'anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées, il y en a qui sont les gardiens des œuvres des enfants d'Adam, qui écrivent, eh bien, les œuvres que font les êtres humains, yani les enfants d'Adam. كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit alors qu'il y a sur eux des gardiens qui veillent, des nobles scribes, yani qui écrivent les œuvres des enfants d'Adam et qui savent parfaitement ce que vous faites. وَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Et parmi eux, parmi les anges, il y a une catégorie qui, leur travail est de supporter le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَمِنْهُمْ الْمُوَكِّلْ بِالْوَحِي وَهُوَ جِبْرِيلْ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Et parmi eux, il y a celui qui s'occupe de la révélation. Et celui-là, c'est Jibril عَلَيْهِ السَّلَامِ. Et c'est lui qui transmet la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'au messager عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ والسلام. ومنهم الموكل بالمطر وهو ميكال أو ميكائيل. Et parmi eux, il y a celui qui s'occupe de faire descendre la pluie, qui est Mikaïl, عليه السلام. ومنهم الموكل بالموت. Et parmi eux, parmi les anges, certaines catégories et un s'occupe eh bien de la mort et de retirer l'âme des enfants d'Adam au moment de leur mort. وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ. Et celui-là, il est appelé مَلَكُ الْمَوْتِ. وَمَعَهُ مَلَائِكَةٌ أو مَلَائِكَةُ الْمَوْتِ. Et avec lui, il a, eh bien, d'autres anges qui s'occupent de cela avec lui. وَمِنْهُمْ أَصْنَافٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et certaines catégories et certains anges, eh bien, que ne connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala et dont il ne nous a pas donné la science. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas permis eh bien, de connaître ces anges-là et de savoir qu'est-ce qu'ils font. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran et ne connaît les soldats de ton Seigneur que lui. Yani leur nombre, il ne le connaît que lui. والجنود هم الملائكة وجنود الله تبارك وتعالى كثيرة. Et les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'armée d'Allah azza wa jal, eh bien, ils sont nombreux. والركن الثالث الإيمان بالكتب. Et le troisième pilier de la foi, c'est la croyance au livre التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الرسل. Ces livres-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu et révélé aux messagers. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَىٰ أَرْسَلَ الرُّسُلْ وَأَنْزَلَ الْكُتُبْ مِنْ عِنْدِهِ سُبْحَانَهُ. Il faut savoir qu'Allah azza wa jal a envoyé des messagers et il a révélé à ses messagers des livres qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. فبوحيه وشرائعه وأمره ونهيه. Et ces livres, eh bien, émanent de lui, de sa révélation, et contiennent sa législation, et contiennent ses ordres, et contiennent également ses interdictions. فَمِنْهَا التَّوْرَى Parmi les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a révélé, il y a la Torah. وَمِنْهَا الْإِنْجِيلِ Et parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, il y a l'Évangile. وَمِنْهَا الزَّبُورِ Et parmi les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, الزَّبُورِ يعني les psaumes. وَمِنْهَا الْقُرْآنِ Et parmi les livres qu'Allah azza wa jalla a révélé également, il y a le Coran. وَمِنْهَا كُتُبٌ لَمْ يَذْكُرْهَا اللَّهُ لَنَا Il y a des livres également qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, mais qu'il ne nous a pas permis de connaître ou d'en connaître le nom. وَآخِرُهَا وَأَعْظَمُهَا الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أَعْجَزَ الثَّقَلَيْنِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مِثْلِهِ Et le plus grandiose ou la plus grandiose des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la dernière, qui est le Coran, et qui a, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte, eh bien que les djinns et les hommes, même s'ils se réunissaient tous ensemble du premier au dernier, eh bien ils auraient été incapables de ne donner ne serait-ce que l'équivalent d'un verset de ce Coran. Ce qui prouve son importance, l'importance de ce Coran et le fait qu'il soit merveilleux et qu'il soit un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرُّكْنُ الرَّابِعُ الْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ Et le quatrième des fondements de la foi, c'est le fait de croire aux messagers. Aux messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى بشرائعه ودينه لهداية خلقه فالله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم الله سبحانه وتعالى il a envoyé ses messagers il les a envoyés avec sa législation et il les a envoyés avec sa religion et il les a envoyés pour guider et bien sa création pour guider les gens et les sortir de la lumière, de les sortir des ténèbres à la lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également envoyé ses messagers afin, eh bien, qu'ils montrent aux gens et qu'ils expliquent aux gens ce qui leur est néfaste et également ce qui leur est bénéfique. وَيُبَيِّن لَهُمْ دِينَهُمْ Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé également les messagers et les prophètes, eh bien, afin qu'ils expliquent aux gens et qu'ils montrent aux gens leur religion. Wallahu jalla wa ala aqama al-hujjata bihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, avec les messagers, a ramené des arguments. Faqal Allah azza wa jalla rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a envoyé des messagers annonçant la bonne nouvelle et avertissant de son châtiment afin qu'il n'y ait pas eh bien, d'argument pour les gens auprès d'Allah Azza wa Jal après l'envoi des messagers. Pour qu'ils ne disent pas, personne n'est venu nous avertir ou nous annoncer la bonne nouvelle. Amma adaduhum fala ya'lamuhum illa Allah. Mais quant au nombre eh bien, des messagers, ne le connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum kathirun. Et les messagers, les prophètes, eh bien, ils sont nombreux. Faminhum man samma Allahu lana fi qawlihi ta'ala wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahima ala qawmih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaq wa ya'qub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين الله سبحانه وتعالى il nous dit ou plutôt comme on a dit les messagers et les prophètes ils sont nombreux et ne connaît leur nombre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi eux, certains Allah subhanahu wa ta'ala eh bien nous les a nommés. Il nous a donné leur nom comme fi sourate al-an'am quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et tel est l'argument que nous avons donné à Ibrahim à son peuple ou contre son peuple. Et nous élevons en degré qui nous voulons, et certes ton Seigneur est sage et savant. Et nous lui avons donné à Ibrahim Ishaq wa Yaqub, yani comme descendance. Et ces deux-là, nous les avons guidés. Et nous également, nous l'avons guidé avant eux. Et parmi sa descendance, il y a Daoud, Suleyman, Ayoub, Youssouf, Moussa, Haroun, et c'est ainsi que nous rétribuons les bienfaisants. Et Zakaria, et Yahya, et Isa, et Ilyas, et tous ceux-là font partie des pieux. Et Ismaïl, ou Al-Yas'a, Élisée, ou Younous, ou Lot, ou Kullan Faddalna ala al-Alamin. Et nous les avons tous, eh bien, mis au-dessus du reste de l'univers. Fahoula, sammahum Allahu tabaraka wa ta'ala. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a nommés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés ces messagers. فَنُؤْمِنُ بِهِمْ وَبِأَعْيَانِهِمْ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّهِ اللَّهُ لَنَا فَنُؤْمِنُ بِهِ جُمْلًا. Et donc cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a nommés, nous y croyons. Et ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas nommés et qu'il n'a pas donné leur nom, eh bien, nous y croyons également. فَقَالَ جَلَّ وَعَلَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et certes, nous avons envoyé avant toi, yani à Muhammad, des messagers. Certains dont on t'a conté le récit, et d'autres dont on ne t'a pas, eh bien, raconté leurs histoires. فَنُؤْمِنُ بِهِمْ جَمِيعًا مَنْ سَمَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ. Et donc nous croyons à tous ces messagers. Qu'ils les aient nommés ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les ait pas nommés, nous croyons en tous les messagers. فَمَنْ كَفَرَ بِنَبِيٍّ وَاحِدٍ كَفَرَ بِالْجَمِيعٍ. فَمَنْ كَفَرَ بِنَبِيٍّ وَاحِدٍ فَكَفَرَ بِالْجَمِيعٍ. Celui qui, eh bien, rejette et mécroit et ne croit pas à un seul des messagers, eh bien, c'est comme s'il avait rejeté et mécru en tous les messagers. فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِمْ جَمِيعًا. Il est obligatoire, eh bien, de croire en tous les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Allah azza wa jal, il nous dit dans le Coran, et le peuple de Nuh a rejeté tous les messagers. Le peuple de Nuh a rejeté tous les messagers. Alors qu'avant Nuh, il n'y a pas eu de messagers. Avant Nuh, il n'y a pas eu de messagers. Mais les messagers sont venus après Nuh. Mais pourtant, Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'ils ont mécru en tous les messagers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mécru en Nuh. À partir du moment où ils ont rejeté Nuh et n'ont pas cru en son message, c'est comme s'ils avaient mécru en tous les messagers. ويقول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ أولئك هم الكافرون حقا. الله سبحانه وتعالى il nous dit: certes, ceux qui ont mécru en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers, et ils veulent diviser entre Allah et ses messagers, et ils disent, nous croyons en certains, et nous ne croyons pas en d'autres, et ils veulent prendre entre les deux un chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le verset d'après, ceux-là sont les véritables mécréants. Ceux-là sont les véritables mécréants. Wallahu jalla wa ala qala lana qulu amanna billah wa ma unzila ilayna وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il nous exhorte à croire en tous les messagers, il nous ordonne à croire en tous les prophètes et les messagers. Il nous dit, dites, nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, et nous croyons en ce qui nous a été révélé, et nous croyons en ce qui a été révélé à Ibrahim, et à Ismaïl, et à Ishaq, et à Ya'qub, et à l'Asbat. L'Asbat, ce sont les tribus, et certains Mufassiroun, ils disent que ce sont les frères de Yusuf alayhi salam qui après, eh bien, s'être repenti, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait, eh bien, des prophètes qui ont averti leur peuple. Wallahu a'lam. Et nous croyons en ce qui a été donné à Moussa ou à Isa, et ce qui a été donné, eh bien, à tous les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous croyons à tout cela et nous ne divisons entre aucun, et nous ne faisons aucune différence avec les prophètes. Et nous sommes soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. Le cinquième des fondements, c'est la foi au jour dernier. La foi et le fait de croire au jour dernier. وهو البعث بعد الموت. Le jour dernier, eh bien, c'est la résurrection après la mort. لأن الدنيا دار عمل. Faut savoir que la vie d'ici-bas, eh bien, c'est une demeure où est-ce que tu fais des actes, où est-ce que tu œuvres. والآخرة دار جزاء. Alors que l'au-delà, eh bien, c'est la demeure de la récompense, où est-ce que tu seras rétribué pour les œuvres que tu as faites ici-bas. والدنيا مزرعة للآخرة. Et cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est un champ de labour et de récolte pour l'au-delà. فَهِيَ دَارُ عَمَلْ وَلَيْسَ فِيهَا جَزَاء. Cette dunya, cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est une demeure où est-ce que l'on doit œuvrer, et où est-ce qu'il n'y a pas de récompense. وَالْآخِرَةُ دَارُ جَزَاء وَلَيْسَ فِيهَا عَمَلْ. Alors que l'au-delà, eh bien, c'est une demeure où est-ce que tu seras rétribué, mais où est-ce que, eh bien, tu n'auras pas à faire d'œuvre. ولا بد من الايمان باليوم الاخر. Il est obligatoire donc de croire au jour dernier. Il est obligatoire de croire au jour dernier. من لم يؤمن باليوم الاخر فهو كافر. Celui qui ne croit pas au jour dernier, eh bien, il est mécréant. فقال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous relate la parole des mécréants qui disent, et ils prétendent, ou prétendent ceux qui ont mécru, qu'ils ne seront pas ressuscités, yani après la mort. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient pas au jour dernier. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, par Allah, par mon Seigneur, vous serez ressuscité. Et on vous informera de ce que vous faisiez. Et ceci est facile pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Ayyuha al-insan, ta'ishu fi hadhihi ad-dunya wa ta'kul, wa tashrab, wa takfur, wa tafsuq, ka'annahu laysa amamaka ba'athun wa hisabun wa jaza. Donc, Cheikh, ensuite, il nous dit, tu vis dans cette vie, d'ici-bas, tu manges, tu bois, tu mécrois, tu fais des perversités, comme s'il n'y avait pas devant toi, eh bien, de résurrection, et comme si tu n'allais pas rendre de compte, et comme si tu n'allais pas être rétribué pour ce que tu as fait, pour les œuvres que tu as fait dans cette vie d'ici-bas. فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى جَعَلَ الْآخِرَ لِلْجَزَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que l'au-delà, eh bien, soit pour que tu sois rétribué, que tu sois récompensé ou châtié, selon tes œuvres. وَهَذَا عَدْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ لَا يُضِيعُ عَمَلَ الْعَامِلِينَ. Et tout ceci par équité et justice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que, eh bien, il ne perd pas, eh bien, l'action des gens qui œuvraient. وَيُجَازِي كُلَّمْ بِعَمَلِهِ Et Allah subhanahu wa ta'ala rétribuera chaque personne selon ses actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Allah azza wa jal, il dit dans sourate al-mu'minun, avez-vous cru que nous vous avions créé sans aucun but et que vous n'alliez pas revenir vers nous? لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبثا والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث. Et si, eh bien, il n'y avait pas de résurrection, s'il n'y avait pas de résurrection et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas ressusciter toutes les créatures pour, eh bien, qu'ils rendent des comptes et qu'ils soient rétribués selon leurs œuvres, eh bien, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé la création sans aucun but et sans aucune raison. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est surélevé de créer une chose qui n'a pas de but. Et il ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala de créer des choses sans aucun but. وَالرُّكْنُ السَّادِسِ هُوَ الْإِمَانِ بِالْقَدَرِ Et le sixième des piliers de la foi, c'est la foi au destin. Al-Qadar huwa sirrullahi tabaraka wa ta'ala. Le destin, eh bien, c'est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-Qadar huwa ma qaddarahu Allahu mimma kan wa ma yakun ila an taqum as-sa'a. Et le destin, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a destiné et a écrit, et ce qui a été et ce qui va être jusqu'à ce que l'heure se lève. Jara al-qalam bil maqadir wa kutiba fi al-lawh al-mahfuz ma huwa ka'in ila yawm al-qiyamah. La plume a écrit la destinée après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il a écrit fi al-lawh al-mahfuz, yani dans des tablettes sauvegardé, bien gardé. Et il a écrit ce qui a été et ce qui va être ou ce qui va arriver, ce qui est arrivé et ce qui va arriver jusqu'au jour de la résurrection. فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ إِلَّا بِقَدَرٍ Rien ne se passe sans que cette chose n'a déjà été destinée. يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ Et toute chose a été créée avec une destinée. فالأمور ليست عبثا. Les choses n'ont pas été créées sans but. Chaque chose a un but et chaque chose, eh bien, a une destinée. بل هي مقدرة من قبل. Chaque chose, eh bien, a été destinée et la destinée a été écrite avant que cette chose ne se passe. يقول الله عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الله سبحانه وتعالى nous dit nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans que cette chose ne soit enregistrée dans un livre avant que nous l'ayons créé. وقوله كتاب هو اللوح المحفوظ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit un livre, sans que cette chose ne soit écrite dans un livre, يعني اللوح المحفوظ, c'est-à-dire les tablettes qui sont gardées. وقوله قبل أن نبرأها أي قبل أن نخلقها ونوجدها. Avant que bien que ces choses ne soient créées, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà écrit leur destinée a été écrite dans les tablettes. فالإيمان بالقدر على أربع مراتب. Il faut savoir que la foi au destin, eh bien, est de quatre sortes, est de quatre catégories. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى. علم الله الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء، أي نعتقد أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وعلم ما كان وما يكون. Première des catégories du destin, c'est quoi? C'est le fait de croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala ancienne, qui a devancé toute chose, et la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle, et qui englobe et qui sait toute chose. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui se passe. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Il sait ce qui s'est passé, et il sait ce qui va se passer. De par sa science. De par la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ الْإِيمَانِ بِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et la deuxième des catégories, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit dans les tablettes tout ce qui allait se passer avant que ces choses ne se passent. وَالْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ مَرْتَبَةُ الْمَشِيئَةُ وَالْإِرَادَةُ مَشَاءَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَانَ وَمَنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. Et troisième des catégories, c'est la catégorie de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, il sera. Et ce qu'il n'a pas voulu, eh bien il ne sera pas. Toute chose qui se passe, c'est avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'Allah azza wa jal l'a voulu. Il a écrit. Et qu'il l'a su également. والمرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها. Et la quatrième des catégories, eh bien, c'est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les choses. Il les a créées au moment où il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces choses-là au moment qui leur était destiné. كل شيء في وقته. Chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé au moment où est-ce qu'il l'a, il lui a destiné. وَكُلُّ شَيْءٍ فِي حِينِهِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Chaque chose qui a été créée, eh bien, elle a été créée selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. Et au moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a destiné. لَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بهذه المراتب الأربع. Donc il est obligatoire de croire en ces quatre catégories. مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق والإيجاد. Donc de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait et a su et sait ce qui va se passer. Et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection avant que cela ne se passe. Également, de croire que rien ne se passe sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'ait voulu. Également, croire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque chose au moment où est-ce que il lui a été destiné. Et donc ceci est la foi au destin. ثم قال الشيخ ومن الإيمان بالله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. Et donc il dit, parmi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le fait de croire ou avoir foi en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme caractéristique dans son livre. Ou ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam ou son messager, eh bien lui a donné comme caractéristique sans altération et sans, eh bien, réfuter ses caractéristiques. ولما ذكر أركان الإيمان بين ما يدخل في الأول. Et donc après avoir évoqué les piliers de la foi, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, après avoir évoqué les piliers de la foi, eh bien, il nous explique ceux qui rentrent dans le premier des piliers de la foi. Wa huwa al-iman billah. Et le premier pilier de la foi, c'est le fait de croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa annahu yadkhulu fihi al-iman bil asma'i was sifat. Et dans ce premier pilier rentre le fait, eh bien, de croire aux noms et aux attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Faman jahada al-asma'a was sifat lam yakun mu'minan billahi al-iman as-sahih. Celui qui rejette les noms et les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, eh bien, il ne sera pas croyant en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas une foi authentique. Il n'aura pas la foi authentique. وَهَذَا رَدٌ عَلَى الْمُعَطِّلَ الَّذِينَ عَطَّلُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِالْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ. Et ceci, eh bien, est une réfutation à ceux, eh bien, qui réfutent et rejettent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si tu ne crois pas aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne seras pas croyant d'une croyance authentique. فَمِنَ الْإِمَانِ بِاللَّهِ الْإِمَانِ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Ce qui fait partie de la foi d'Allah subhanahu, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il faut croire en ses noms et ses attributs qui sont rapportés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça. Il ne suffit pas de croire seulement aux noms et aux attributs qui ont été rapportés dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin min ghayri tahrif wa min ghayri ta'til. Mais de croire en ses noms et ses attributs sans, eh bien, les rejeter et sans altérer ses noms et ses attributs. Al-tahrif, ma ma'an al-tahrif, huwa al-taghyir. Ay, taghyir al-alfaz, ou taghyir al-ma'ani. Hada huwa al-tahrif. Al-tahrif, c'est-à-dire altérer. Altérer le mot ou altérer le sens. Ça, c'est tahrif. C'est soit altérer le mot en lui-même, ou soit altérer le sens du mot. Soit altérer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala ou son attribut, ou soit altérer le sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou altérer le sens de l'attribut d'Allah azza wa jal. Tuharraf al-alfaz bi an yuzada fiha aw yunqas. Comment, eh bien, altérer le mot, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Soit en rajoutant, soit en diminuant une lettre. Soit en rajoutant une lettre, soit en diminuant une lettre. Mathalan, un exemple. Istawa. Le mot istawa, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a évoqué dans plusieurs versets du Coran. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Wa qalu istawla. Eux donc, al-mu'attila, au lieu de dire istawa, ils ont dit istawla. Hadha tahrifu lafz. Donc ils ont altéré le mot en lui rajoutant, eh bien, une lettre, le lam, istawla, qui veut dire prendre possession. Alors que le terme exact, qui est mentionné dans le Coran, eh bien, c'est istawa, c'est-à-dire qu'il s'est élevé au-dessus du trône. حَيْثُ زَادُوا حَرْفًا. Donc, ils ont rajouté une lettre. وَمِنْ تَحْرِيفِ الْمَعْنَى تَفْسِيرُ الْإِسْتِوَى بِالْإِسْتِلَى. Et comment, eh bien, également altérer le sens du nom ou de l'attribut? c'est par exemple, eh bien, expliquer le mot istawa, s'établir, en disant que ce mot veut dire prendre possession. Ou tafsir al-yad bil qudra, ou le fait de dire et d'expliquer la main d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant ce n'est pas la main d'Allah azza wa jal, mais c'est sa capacité. Ou tafsir al-wajh bil dhat, ou dire que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, son véritable sens, c'est l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا من تحريف كلام الله تبارك وتعالى قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذه من أوصاف اليهود والعياذ بالله. Et donc ceci, c'est altérer le sens des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala réprimande. Et c'est une des caractéristiques des enfants d'Israël qui altèrent, eh bien, les paroles de leur sens. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ مَوَاضِعِهِ, c'est-à-dire qu'ils détournent les paroles de leur sens. Au lieu de leur donner le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, eh bien, ils le prennent et détournent le sens. Comme le font, eh bien, les gens de l'innovation et ceux qui altèrent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple, comme on a dit, eh bien, au lieu de dire الوجه, ils disent le sens du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son essence. Et la main, c'est sa capacité, etc. etc. وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَعْطِيلٍ. Et donc il dit également sans rejeter complètement le nom. وَالتَّعْطِيلُ هُوَ جَحْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ وَإِخْلَاءُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ مِنْهَا. التَّعْطِيلُ, c'est de rejeter les noms et les attributs. Et dénuyer Allah subhanahu wa ta'ala et enlever Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs. ثم قال الشيخ بل أعتقد أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته. Donc الشيخ il dit je crois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et c'est lui, l'audient, le voyant, yani qui voit tout. Et je ne réfute pas les caractéristiques et les attributs avec lesquels, ou les, yani je ne réfute pas les attributs qu'il s'est donné. Et je ne détourne pas les paroles de leur sens. Et je ne dénature pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses signes. Al-Mu'allif, rahimahullah, ya'taqidu ma dallat alayhi hadhihi al-aya. Li'annaha mizanun fi jami'i al-asma'i wa al-sifat, laysa kamithlihi shay. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il croit en ce verset. Il croit en ce que prouve ce verset. Pourquoi ? Parce que ce verset est la balance dans tous les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dans ce verset, il nous dit rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Rien ne ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Wa in kanat asma'uhu تشترك مع أسماء المخلوقين في ألفاظها ومعانيها لكن لا تشبهها في حقيقتها وكيفيتها. Donc rien, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne ressemblent en rien aux attributs des créatures. Même si, eh bien, le mot est pareil, même si le mot est le même, ça ne veut pas dire que, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures. Ce n'est pas parce que, eh bien, le mot où ils sont associés dans le même mot ou dans le même attribut ou dans le même nom que, eh bien, il est le même pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour ses créatures. فَلِشْتِرَاكْ فِي اللَّفْضِ وَأَصْلِ الْمَعْنَى la yaqtadi l'ishtirak fil haqiqati wal kayfiyya. Le fait est bien d'avoir le même nom et d'avoir les mêmes attributs. Le fait d'avoir le même nom et d'être nommé par les mêmes attributs ne veut pas dire, eh bien, que Allah subhanahu wa ta'ala est pareil à ses créatures. كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend et qui voit. في هذا رد على المعطلة. Dans ce verset, il y a une réfutation à ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنفى عن نفسه المثلية. Allah subhanahu wa ta'ala eh bien a rejeté le fait qu'il ressemble à une quelconque créature, puisqu'il dit rien ne lui ressemble. وَأَثْبَتَ لِنَفْسِهِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ. Et il s'est donné des noms et des attributs. Puisqu'il dit وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il s'est donné des noms et des attributs. السَّمْعُ وَالْبَصَرُ. Yani ces attributs-là, l'ouïe et la vue, et le fait qu'il voit et qu'il entend, ce sont des noms et des attributs. السمع والبصر. فدل على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه. Donc ça ne veut pas dire. Donc ceci prouve que le fait, eh bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné des noms et des attributs, ça ne veut pas dire que ces noms et ces attributs ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à une quelconque créature. وقوله ليس كمثله شيء هذا فيه نفي. وهو السميع البصير هذا فيه إثبات. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit rien ne lui ressemble, eh bien c'est-à-dire qu'il réfute. C'est une réfutation. Et quand il dit وهو السميع البصير, ça c'est une affirmation. نفى عن نفسه المثلية. C'est-à-dire qu'il a réfuté le fait de ressembler à une quelconque créature. وأثبت لنفسه الأسماء والصفات. Et il s'est affirmé, il s'est donné, eh bien des noms et des attributs. وقوله لا أنفي عنه ما وصف به نفسه كما فعلت المعطلة. Et donc Cheikh il nous dit que eh bien il ne rejette pas les caractéristiques et les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Et ça, le fait de réfuter et de rejeter les caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné, eh bien ça, c'est le mu'attila qui le font. Le mu'attila, c'est ceux qui rejettent tous les noms ou certains noms et certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ لَا أُلْحِدْ. Et Cheikh nous dit qu'également, parmi eh bien, sa croyance, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْإِلْحَادُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمَيْلِ. والإلحاد في الأسماء والصفات هو الميل الميل بها عن مدلولها إلى مدلول باطل. الإلحاد c'est quoi? C'est dénaturer. الإلحاد en langue arabe c'est-à-dire pencher. Et dans les noms et les attributs, c'est-à-dire les faire pencher vers une signification qui est fausse, leur donner une mauvaise signification et dénaturer leur sens. C'est ça l'إلحاد. كتفسير الوجه بالذات. Comme le fait de dire et d'expliquer, eh bien, que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, eh bien, son essence. Ou l'yad bil qudra. Ou le fait de dire que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, eh bien, sa capacité et sa force. Ou de dire que la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, eh bien, son bienfait. Ça, c'est dénaturer le nom ou l'attribut qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Et le faire pencher, eh bien, vers une signification qui est fausse et mauvaise et erronée. Et donc ceci est, comme il nous le dit, le fait de détourner, eh bien, les paroles de leur sens. فقال سبحانه وتعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et ceux qui dénaturent nos versets, eh bien, sachez qu'ils ne nous échappent pas. ceux qui dénaturent nos versets, sachez qu'ils ne nous échappent pas. يلحدون يعني يميلون بها إما بجحدها كما فعلت المعطلة وإما بتشبيهها بصفات خلقه كما فعلته الممثلة. Donc dénaturer, soit les rejeter complètement, comme le font le Mu'attila, ceux qui rejettent, ou soit les faire ressembler aux attributs des créatures, comme le font, eh bien, ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. وَإِمَّا بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا شَيْئًا لَمْ يُثْبِتْهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَمَّا بِجَعْلِهَا أَسْمَاءً لِلْأَصْنَامِ كَلَّاتِ وَالْعُزَّى. Ou soit, eh bien, en rajoutant une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rajouté, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté. ثم قال ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له ولا كفؤ له ولا كفؤ له ولا ند له ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا. Ensuite il dit que, eh bien, je ne dis pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala et comment, et je ne fais pas ressembler ces attributs aux attributs des créatures, car Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, n'a pas d'homonyme, et il n'a pas d'égal, et il n'a pas de semblable, et il ne peut être comparé à sa créature, car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se connaît le mieux et qui connaît le mieux les autres, et c'est lui qui est le plus véridique en parole, et c'est lui qui a le meilleur des récits. هذا القسم الثاني من الضلال في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى الممثلة. Et donc ceci est la deuxième catégorie des égarés concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont الممثلة, ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature. والعياذ بالله. فزادوا في الإثبات وغلوا في الإثبات. Donc ils ont rajouté dans le fait, eh bien, d'affirmer les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont exagéré dans le fait et dans l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ صِفَاتِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتِ خَلْقِهِ. Et ils ne font aucune différence entre les attributs d'Allah azza wa jal et les attributs de ses créatures. وَلَا بَيْنَ أَسْمَائِهِ وَأَسْمَائِ خَلْقِهِ. Et ils ne font pas également la différence entre les noms d'Allah Azza wa Jal et les noms de ses créatures. فَهَاُولَا مُشَبِّهَا وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ceux-là, ils font ressembler la créature à Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِذَا قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُعَطِّلْ يَعْبُدُ عَدَمًا وَالْمُمَثِّلْ يَعْبُدُ صَنَمًا. Et c'est pour cette raison que les gens de science, les savants, ont dit que ceux qui rejettent les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, en réalité, adorent le néant. Et ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures, eh bien, adorent des idoles. فَقَوْلُهُمْ الْمُعَطِّلْ يَعْبُدُ عَدَمًا لِأَنَّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَسْمَى وَصِفَاتٍ عَدَمًا. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que celui, eh bien, qui rejette les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, et celui donc qui n'a pas de nom ni d'attribut, eh bien, il n'est rien, c'est du néant. وَالْمُمَثِّلْ يَعْبُدُ صَنَمًا مِنَ الْبَشَرِ لِأَنَّهُ جَعَلَ اللَّهُ مِثْلَ الْبَشَرِ. Et quant à ceux qui font ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à des créatures, c'est comme s'il adorait une idole parmi, eh bien, les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'il a fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à un être humain. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك. فنكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.